Le Forum allemand anti-impérialiste a publié le 17 courant une déclaration en signe de soutien aux réponses du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée en date du 15 courant. Il y a affirmé que la démarche des États-Unis recourant aux monnaies d'agression et de guerre téméraire au lieu d'accepter les projets de paix réitérés coréens est entièrement une hypocrisie montrant la bassesse morale et le dernier emportement de ceux qui sont à l'agonie.